Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Tiré de la Bible, Schéma Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Que les commandements que je te prescris aujourd'hui soient gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras constamment, dans ta maison ou en voyage, en te couchant et en te levant. Attache-les en signe sur ta main et porte-les comme un fronteau entre tes yeux. Écris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.